Est-ce que tu m'entends? 1, 2. Micro. Ça veut dire quoi, you got it? I'm very bad in English. Je l'ai? I got the feeling.